6 c'est 1. Alors, le numéro de maman, c'est le 06 84 63 72 47. Voilà. 2. Jacques, le numéro du SAMU, c'est le 15. Et le numéro des pompiers, le 18. 3. Bon, alors, le livre de Jérôme, il coûte combien ? 45, 50 euros ? Non, 64 euros. Eh ben, dis donc. 4. Sophie, quel est ton numéro de compte bancaire ? Alors, c'est le 09 34 98 83 78 30 47 53 66 32. Attends, je note. 09 34 98 83 78 30 47 53 et 66 32. OK, merci. C'est noté. 5. Alors, le mail de Léa. Ah oui. LEA13@version.vo.